Es geht weiter mit unserer Botschaft, radikal sein für Christus. On va continuer avec notre message, être violent, être radical pour Jésus-Christ. Be radical for Jesus. Radikal sein für Jesus. Être violent pour Jésus. Praise the Lord. Alléluia. He wants you to be radical in everything. Er möchte, dass wir radikal sind in allem. Il veut qu'on soit violent, qu'on soit radical en tout. Amen. Amen. Radical in everything. Amen. Radical in tout. The Bible says without Christ we can do nothing. At John 15. La Bible dit que sans Jésus-Christ on peut rien faire, on est capable de rien. Amen. Amen. So also without us Christ can do nothing here. Genauso ohne Christus kann ohne Christus tout comme sans nous Jésus-Christ ne peut rien faire ici sur terre. Are you getting it? Amen. Without Christ we can do nothing. Ohne Christus können wir nichts tun. John 15. Sans Jésus-Christ on ne peut rien faire. Amen. Amen. Ça, on lit ça dans Jean 15. So also without you and me Christ can do nothing here. Amen. Genauso ohne dich und mich kann Christus hier nichts tun. That's Romans 10. Tout comme sans toi et moi Jésus-Christ ne peut rien faire ici sur sur cette terre. Ça on voit ça dans Romains 10. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. If I give you example Moses. Zum Beispiel Mose. Pour par exemple Moïse. God needed Moses, somebody to go through, to be able, because he is spirit. Spirits have no, they are illegal here on earth. Geist sind illegal hier auf Erden. Les esprits sont illégal ici sur terre. C'est pour ça que Dieu avait besoin de Moïse. The spiritual world needs a body to function here. Geistliche Welt braucht einen Körper, um hier zu funktionieren. Le monde spirituel a besoin d'un corps pour agir ici sur That's terre. Why Jesus needs you to be here. Deswegen braucht Jesus deine Anwesenheit hier. C'est pour ça que Jésus a besoin de nous ici sur terre. So that you are healed, that you are living long life, it's not even about you, it's about him. Because he needs you here. Und ein langes Leben hast, das ist nicht wegen, wegen ihm, er braucht dich hier auf Erden. C'est pour ça que si tu as une longue vie, c'est parce que Jésus-Christ a besoin de toi ici sur terre. C'est pas à cause de ta. Remember John 14. Erinnert euch an Johannes 14. Rappelle-toi de Jean 14. Amen. He said, if you ask, and it is, he said, you, we will ask, he will do it so that his father will be glorified. Amen. Not man. Gesagt, it's not about you, it's about him. Wenn wir bitten, wird sein Vater es tun, um ihn selbst zu verherrlichen, nicht um dich zu verherrlichen, weil es nicht um dich geht, sondern um Jesus. Parce que la Bible nous dit que si on demande, le Père va le faire, mais pour se glorifier lui-même et pas pour ta gloire à toi-même. So it's Abraham, like Moses, amen. C'est pour ça qu'Abraham est comme Moïse. If you remember Sodom and Gomorrah, the two cities that was destroyed. Si tu te rappelles de Sodom et Gomorrah. Where Lot was living. Wo Lot gewohnt hat. Où Lot habitait. You know, Abraham had to intervene, to please for them. Are you getting it? Aber he needs somebody. Einschreiten, um für sie zu bitten. Er braucht jemanden gebraucht. Abraham devait interpeller pour demander à leur place. Praise the Lord. Amen. Amen. He wants you to be radical for him. Er möchte, dass wir radikal sind für ihn. Il veut qu'on est violent, qu'on est radical pour lui. In all areas of life. Not just in some aspect, but all. Mm-hmm. En chaque aspect de nos vies. Because he himself, he was radical in all. Denn er selbst war radikal in allem. Parce que Jésus-Christ lui-même, il était radical dans tout. He will never tell you to do what he did not do. Er wird dir nicht befehlen zu tun, was er selbst nicht getan hat. Il va jamais nous dire de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Amen. Amen. And that's why he gave us the power of the Holy Spirit. He gave us the Holy Spirit that he has a helper to help us die Kraft des to achieve what helper, he achieved. Um das zu erreichen, was er erreicht hat. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour être capable de accomplir ce qu'il a accompli. You know, he achieved to be one with his Father. That's achievement. Er hat es geschafft, eins zu sein mit seinem Vater. Il a été capable d'être un avec Dieu le Père. Ça, c'est un accomplissement. Without the power of the Holy Spirit, you can never achieve to be one with Christ. Ohne Kraft des Heiligen Geistes kannst du nicht eins sein mit Christus. You see the flesh. Es ist eine Frage der Zeit und du siehst dein Fleisch. Et sans la puissance du Saint-Esprit, on n'est pas capable d'être un avec Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to be there for him in all areas of life. Er möchte, dass wir da sind für ihn in jedem Bereich unseres Lebens. Il veut qu'on soit là pour lui dans chaque aspect de notre vie. He wants us to be radical in all. Er will, dass wir radikal sind in allem. Il veut qu'on soit radical dans tout. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. I really thank Felix and Susie in the past week. Amen. Ich danke Felix und Susie für die letzte Woche. Je remercie vraiment Felix et Susie pour la semaine passée. How they allow Christ to live in them and live through them. Wie sie zugelassen haben, not dass about Jesus the flesh, it's about in Christ. Lebt und durch sie durchlebt. Parce qu'ils ont permis Jésus-Christ à vivre en eux et à travers eux. It takes Christ to do what they did. Es braucht Christus, um das zu tun, was sie getan haben. Parce que on a besoin de Jésus-Christ pour faire ce qu'ils ont fait. I don't know if somebody's getting it. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. You know people that hide at the back of grace and do evil and love evil. They hate light. Leute, die sich hinter, they love this place. Let me go. Let us go there. Böses tun und sich hinter der Gnade verstecken. Sie lieben diese Stelle. Matthäus. They love it so much. Les gens qui font du mal et se cachent derrière la grâce, ils aiment bien cette ce passage dans la Bible. Matthieu. Praise the Lord. Matthew. They love this place. Well, Matthew 6 from verse 1. Matthew 6. Let me see. We have with them 1 to 6 or 1 to 5. Amen. He said, take heed that you do not your arms before me. They love you. Amen. Amen. Are you getting something? Amen. Amen. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense dans votre Père céleste. He said to be seen of them, otherwise you have no reward in your of your Father which is in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you are doing, you know, the same Jesus said, if you own a candle, you put it outside. Der gleiche Jesus sagt, wenn du eine Kerze anmachst, dann stellst du sie auf den Tisch, damit sie den ganzen Raum erleuchtet, nicht dort drunter. C'est la même chose que, parce que Jésus aussi a dit que si tu as une bougie, par exemple, Amen. Tu la places sur la table et pas sous la table. Amen. Amen. You know why he said he's saying something like this here is because of the flesh and not the spirit. The spirit is to be revealed to the whole world. Ist wegen dem Fleisch, weil der Geist soll ja offenbart werden der ganzen Welt. Ce qui dit ça, il dit ça par rapport à l'esprit, parce que l'esprit doit être montré à toute la terre, à tout le monde. In verse 2, it says, therefore, when thou doest your arms, do not sound a trumpet. Please sound trumpets if you allow Jesus to walk through you. Amen. Sound it. It's praise Christ. Amen. Verset 2. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Mais on peut claironner partout si on laisse Dieu, Jésus-Christ, agir en nous. Là, on peut être fier de ça même. Are you getting something here? Here he's not saying, you know, he says, don't sound the trumpet of the flesh. That people are praising you and not praising Christ. The problem is people praise people. People love to be praised. But you love that people praise Christ. Your motive is people praise Christ. Help Johnny to praise Jesus. Are you getting it? Amen. Das Problem ist, dass Leute es lieben, andere Leute zu feiern. Aber wir lieben es, Jesus zu feiern. Und wir sollten andere Leute helfen, dabei anspornen, Jesus zu feiern. Le problème, c'est que les gens, enfin la terre, aiment trop célébrer les gens, les œuvres des gens. Mais on doit célébrer seulement Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on doit aussi aider les païens à venir vers Jésus-Christ pour qu'ils puissent enfin aussi célébrer Jésus-Christ. You know, before the coming of Christ, you know how many prophets sound the trumpet of Jesus coming. Before we all sounded the prophet, the trumpet. Gab so viele Leute, die so that people die Posaune prepare for him. Geläutet haben, damit Leute vorbereitet sind auf das Kommen des Sohnes. avant que Jésus-Christ vienne physiquement sur terre, il y avait beaucoup de prophètes qui proclamaient l'arrivée de Jésus-Christ et le faisaient à haute voix. Allow the trumpet to be Christ's trumpet and not man's trumpet. Diese Posaune soll Gottes Posaune sein, die Posaune von Christus, nicht Posaune von Menschen, nicht Posaune vom Fleisch. Mais cette, ouais, c'est pour ça que cette, si on claironne la trompette, c'est ça qu'on dit. On doit le faire pour Jésus-Christ et pas pour les êtres humains. Christ's trumpet free people from bondage. Amen. And bring people into Christ's world. Amen. If Christ can do it for him, if he can do this for Christ, I can be there for Christ also. Amen. It's not about the flesh. I don't know if somebody's getting it. Die Posaune von Christus, die befreit, die bringt Frieden, die bringt Freiheit. Sie verherrlicht Christus und sie ist nicht über das Fleisch. Und deswegen bringt sie keine Zerstörung. Aber die Posaune vom Fleisch, die ist über das Selbst. Und die ist dazu da, andere runterzuziehen und dich selbst zu erhöhen. C'est pour ça que la trompette de Jésus-Christ est une trompette qui ramène les personnes, les êtres humains vers la vérité, qui nous ramène la paix, la foi. Et si on claironne la trompette charnelle, ça c'est pour nous élever nous-mêmes, c'est pour nous célébrer nous-mêmes. Et ça c'est charnel et ça c'est diabolique. Und genauso auch, dass diese Posaune auch dafür sorgt, dass jeder, der sie hört, auch weiß, dass ey, wenn es für dich funktioniert, funktioniert es auch für mich. On peut claironner la trompette de Jésus-Christ parce que ça peut aussi aider, c'est un témoignage, on peut dire, ça peut aider d'autres personnes à venir vers Jésus-Christ parce qu'ils vont voir à ton exemple que ça a marché pour toi et ça peut leur pousser à se dire, ouais, ça peut aussi marcher pour moi aussi. The Bible says we should provoke one another to love. La Bible sagt, wir sollen einander provozieren zu guten Werken, provozieren zu lieben. La Bible nous dit qu'on doit se provoquer, on doit se pousser à s'aimer, à faire les bonnes choses. Voilà. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. You know, they love this place. Those that they are never there for Christ. They love it. So that nobody will know. Their hidden agenda. Les gens qui sont jamais là pour Jésus-Christ, ils aiment bien ces versets qu'on vient de lire. Sie wollen, dass ihre verborgenen Motive ans Licht kommen. Ils veulent pas que leurs motifs cachés soient exposés. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. As if they are deceiving me. So als ob sie mir was vormachen würden. Comme si ils me deceive Christ. Aber kannst du Christus etwas vormachen? Non, mais est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux tromper Jésus-Christ? Praise the Lord. Amen. If you read it, you can see it, so on and so forth. Amen. Amen. We have a lot to cover, so we leave there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I thank God for him, for two of them. Amen. Ich danke Gott für euch beide. Je remercie Dieu pour vous deux. The man that did the, you know, walk in the terrace, we have not even finished it. Then we are going to, they ask for 1,200 or something or so. We have paid 2,000 plus, it was remaining 1,000 plus. And he said we must give him on that day. And we wanted to. Unexpectedly. So, and he said, then Felix and Susie came and said, what is happening? And we told them, they said, you can just pay it. Just like that. Are you getting it? Also, es ging um den letzten Tag von dem Terrassenbau und der Mann ist unerwartet schnell fertig geworden und deswegen wollte der auch dann unerwartet schnell bezahlt werden. Und wir hatten, das Ganze hat 3.000 Euro gekostet und er wollte halt die restlichen 1.230 Euro, glaube ich. Und und hat dann danach gefragt, hat gesagt, ja, ich möchte das Geld gerne jetzt haben, weil wir sind fertig, die Baustelle schließt, wir wollen jetzt einfach bezahlt werden und dann gehen. Und wir hatten das Geld halt einfach physisch nicht. Und dann sind Felix und Susi gekommen und haben gefragt, was ist los? Und wurde ihnen das erklärt und dann haben sie das gezahlt. On avait les travailleurs qui ont fait le travail, qui ont construit la terrasse qu'on a dehors maintenant. Et ils ont fini plus tôt le travail qu'ils avaient à faire. et il nous restait 1 000 euros et quelques à payer. Mm. Et on n'était pas prêt parce que c'était assez brusque. Mais heureusement que Suzy et Félix étaient là à ce moment, ou sont venus plutôt. Ils ont, on leur a expliqué la situation et sans beaucoup réfléchir, ils ont dit qu'ils vont payer le reste qu'on doit payer. Quoi. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, my prayer in this church is not about... If I'm looking for money, I will not even start the ministry. Because there's no money. It's all full of talking. It's not Christ. Einfach mir eine Vollzeitstelle suchen und Leute in Ruhe lassen. Also, darum geht's mir nicht. Yeah. Pour moi, il ne s'agit pas d'argent parce que si je cherchais à gagner beaucoup d'argent, je serais même pas pasteur. J'aurais pas cette église ici. Enfin, on n'aurait pas cette église ici plutôt. It is not about money. It's about believing Christ and obeying the voice of Christ. Amen. Es geht hier nicht um Geld, sondern es geht That's what marveled me. Gottes Stimme hören und danach handeln. Das Amen. Hat mich erstaunt, verblüfft. Il s'agit pas d'argent. Il s'agit d'entendre la voix de Jésus-Christ et de agir ainsi. Et c'est ça qui m'a surpris. Amen. Like Jesus marveled on at this man, this centurion's man faith. He marveled because he said, I've never seen such a faith, no, not in, even in Israel. So wie Jesus those that have covenant with God. Über den Glauben des römischen Hauptmannes, dass er selbst in Israel noch nicht so einen krassen Glauben gesehen hat, wie von diesem Heiden. Tout comme Jésus-Christ était surpris de la foi du soldat romain, c'était quoi? C'était un soldat romain, parce qu'il avait dit qu'une foi pareille, il n'avait même pas vu ça. Dans le pays d'Israël. The Lord is saying thank you to you. Because Amen. You choose to be there for him. Amen. It's not about weil us. It's not about sein. Us at all. Et notre Père, nous vous remercions parce que vous avez choisi d'être là pour lui. Praise the Lord. Amen. Il ne s'agit même pas de nous, mais il s'agit de Jésus-Christ. Amen. It takes maturity in Christ to hear the voice of Christ and obey it. Es braucht Reife in Christus, die Stimme von Christus zu hören und danach zu handeln. Il faut être mature en Jésus-Christ pour entendre la voix de Dieu et agir ainsi. And it also takes maturity in him to love correction and also to be fast to repent. Und es braucht auch Reife, um schnell Buße zu tun und schnell umzukehren. Tout comme on doit être mature en Jésus-Christ pour se repentir et se retourner vers Jésus-Christ. It takes maturity in Christ, not to dodge responsibility in Christ's word. Es braucht Reife in Christus, dass man Verantwortung nicht aus dem Weg geht. To dodge it. You know, people dodge. When it's time, you know, if they are the one in need, you can be available. But once it's time for them to bless, they dodge. Faut être aussi, il est nécessaire d'être mature en Jésus-Christ pour pouvoir pour être responsable et pour pas fuir de la responsabilité qu'on a en Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. To be matured in Christ does not mean how long you are spending in the church. Reif in Christus heißt ganz sicherlich nicht, wer am längsten hier in der Gemeinde schon sitzt. Et être mature en Jésus-Christ ne veut pas dire que tu es dans l'église depuis des années. How much you have been reading the Bible? Oder wie viel du Bibel gelesen hast? Ou alors que tu as lu la Bible entière. This is how much you believe in. Amen. Sehr glaubst du ihm und vertraust du ihm. Ce qui compte pour ta maturité en Christ, c'est ta confiance à lui, en lui. It is how much you depend on him, and not on that money. Et à quel point tu dépends à Jésus-Christ et pas à ton argent. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In Mark 10, verse 31. Markus 10, 31. Look at what Jesus says here. Mark 10. Markus 10. Marc 10, verset 21. He said, but many that are first shall be last, and the last first. Mark 10, Very simple. It means it's not how, you know, how long you have been in the church. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers. Et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. Amen. Genau, das zeigt nochmal ganz klar, es geht nicht darum, wer am nächsten hier sitzt, sondern wirklich um das Herz. Et là, on voit vraiment, ça, il ne s'agit pas de, du temps que tu as passé dans l'église, mais vraiment, il s'agit de ton cœur. But do you hear him? Believe him and act on his word. Hören wir ihn? Handeln wir nach seinem Wort? Glauben wir? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on agit aussi ainsi? You know, a lot can be coming to the church, but your heart is so sealed. It's, you know, it's so hardened that Christ cannot even penetrate. Viele Leute können zur Gemeinde gehen, aber ihr Herz ist so verhärtet, dass man gar nicht da durchkommt. Wegen so vielen Dingen, beispielsweise die Wurzel, zum Beispiel die Geldliebe, die Wurzel alles Bösen ist. Beaucoup de gens peuvent être même dans l'église, mais ils ont encore si endurci que personne, même Jésus lui-même n'arrive pas à le pénétrer, parce qu'ils sont, ils ont trop l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de beaucoup de mauvaises choses. He says, therefore. Whosoever heareth this saying of mine, Matthew 7:24. Amen. Who heareth this saying and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. You know, I know a lot have abused money in the church. Ich weiß, dass viele Leute schon Geld missbraucht haben in der Gemeinde. Je sais que beaucoup de personnes ont abusé de l'argent ici dans l'église. In religious church and not in living church. Aber in religiösen Gemeinden und nicht in einer lebendigen Gemeinde. Mais dans les églises religieuses, mais pas dans une église vivante. Amen. Amen. You know that people abuse it does not mean we should not obey the voice of Christ. Aber nur weil Leute das missbrauchen, heißt, dass wir nicht der Stimme von Christus gehorchen sollen. Mais seulement parce qu'il y a des gens qui abusent de cet argent, qui exploitent cet argent, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas continuer à entendre et appliquer la voix de Jésus-Christ. People abuse, they abuse even water, but you still drink water. Or Leute, stop drinking water. Es brauchen Wasser, aber dennoch trinkst du Wasser noch. Il y a des gens qui polluent, qui abusent de même l'eau, mais on n'arrête pas de boire l'eau. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 25, it says, and the rain descended, and the flood came, and the wind blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 25. Il a plu avec averse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. You know, there was somebody before years ago that was just, was blessing heavily in this ministry. Il y avait une personne il y a quelques années qui donnait beaucoup dans l'église. And there were two, that's let me say, a young boy and a fair. Und es waren zwei Personen, ein Mann und eine Frau, und sie sind gefallen. Il y avait c'était deux personnes pour être exact, c'était un homme et une femme, mais tous les deux sont tombés, ont échoué. And I was worried about the gay especially because I could see how this girl was so, you know, radical in blessing the house of Christ. Und ich war sehr besorgt über das Mädchen, weil sie war sehr radikal im Geben. Ich konnte da nicht mithalten. I have to pray for the grace of Christ to be. You know, it's not like I'm, you know, then I imagine how somebody can believe Christ that You just sell everything to give Christ. Damals warst du erstaunt über ihren Glauben, dass er einfach alles geben konnte für Christus. Mm. J'étais étonné de surtout de la fille parce que elle était vraiment radicale quand il s'agissait de bénir l'église, la maison de Dieu. Et elle donnait même un point que moi-même je ne pouvais pas comprendre parce que dans le temps passé, moi-même, je ne pouvais pas donner même les mêmes montants qu'elle-même donnait. Then, you know, it was, her life was like that of Acts of Apostles 4 and 5, you know, where they were there for one another. He said they lack nothing because they have one spirit and one soul. Amen. Ihr Leben war so wie bei Apostelgeschichte, dass es ihr nicht gemangelt hat hier, weil sie einfach eins war mit Christus, eins war mit der Gemeinschaft. On était unie en Jésus-Christ, elle était unie avec Jésus-Christ et c'est pour ça que sa vie était comme comparable à l'acte des apôtres où si tu te donnais tout pour Jésus-Christ, il ne manquerait de rien parce que vous êtes une communauté, vous êtes une personne. You know, I was so worried about her when they fell and they left, and I was, you know, I did not compromise with them because they wanted. It was if I was in the flesh, if it was about money for me, I will accept. I could have compromised, but I just learned to live in the spirit, and they could not continue. You know, and last year or this year, I was worried about the lady, and the Lord told me that I should not worry about her, that her weight in His kingdom is so heavy that she can never leave. She can never reject Christ. Amen. Because she is still there with him. That's what the Lord told me concerning this girl. Und dadurch, dass sie dann halt gefallen sind, die beiden, sind halt dann gefallen und wollten, dass ich sie sozusagen vermiele. Aber ich habe das natürlich nicht gemacht, weil ich wusste, dass es nicht von Christus ist. Aber hätte ich auf das Geld geschaut, hätte ich sie einfach vermählt, weil sie dann halt gegeben hätten oder irgendwas gemacht hätten für die Gemeinde oder sie auch vorhatten, viel Geld zu geben, wenn ich die beiden hier in der Gemeinde vermähle. Aber ich habe das verweigert, habe es nicht getan und die sind dann halt, haben dann halt auch die Gemeinde verlassen. Und ich habe mir dann halt Sorgen gemacht vor ein paar Monaten noch über das Mädchen. Aber er hat mir gesagt, weil dieses Mädchen so viel gegeben hat in seinem Königreich, wird sie ihn sozusagen niemals entsagen. Enfin, il y a une année ou peut-être quelques mois, j'ai commencé à me soucier de la fille. Parce que le problème qu'il y avait, que le garçon et la fille voulaient se marier, et j'avais vu que leur raison de mariage était charnelle, donc c'est pour ça que j'avais refusé de les unir. Et c'est pour ça qu'ils ont quitté notre église, notre assemblée ici. Si j'aurais été après l'argent, j'aurais pu le faire parce que c'était vraiment, elle donnait vraiment beaucoup dans l'église. Et comme je disais que je me souciais il y a quelques mois, et Dieu m'a dit que de se pas se soucier parce que elle a tant donné dans le royaume de Dieu, elle a tant donné pour Jésus-Christ qu'elle va jamais, rejeter Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. There's a economy in heaven. Es gibt eine Wirtschaft im Königreich des Himmels. C'est pour ça qu'il y a une économie dans le royaume des cieux. There's what is called spiritual economy. Es gibt eine geistliche Wirtschaft. Il y a une économie spirituelle. Amen. So, thank you. Un spiritual account. Und ein geistliches Konto. Donc on peut dire qu'on a un compte spirituel. Put something here, please. Go to Mark 10. Mark 10. So that I quickly. On repart vers Mark 10, mais on va repartir plus tard à Matthieu. Of account. Mark 10. Verset 21, Marc 10, verset 21. Talks about account in heaven. Geht es um das Konto im Himmel? Et là, il s'agit du compte qu'on a dans le royaume des cieux. He said, then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven. I don't know. Have you get it? Mm-hmm. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. He said, and come, take up your cross and follow me. You know, whatever you give to Christ, it's in heaven waiting for you. Amen. Amen. Tout ce qu'on donne à Jésus-Christ nous attend au royaume des cieux. Amen. Amen. Amen. Amen. You know, look at, because we are talking about it, look at it. And from verse 28. Look at from verse 28. Verset 28. Then Peter began to say unto him, lo, we left all and have followed thee. Amen. Amen. We left all. The house, the car, the business. Pierre we gave dit, all. On a tout laissé, on a tout quitté. We empty everything and we follow you. On a donné tout pour te suivre. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no one that had left house or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel. But he shall receive 100-fold in this time houses and brethren and sisters and mothers and children and lands with persecution. In this time, not when you get to heaven, but here. Und hier ist das, aber nicht wenn du You know, your victory is not just when you get to heaven. Dein Reichtum ist nicht nur dann, wenn du im Himmel bist. You are already in heaven, choosing Christ. Amen. On est déjà dans Stop le about here. Dans le ciel parce qu'on a choisi Jésus-Christ. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus répondit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Donc ça nous montre ici que dès qu'on soumet tout à Dieu, on va le recevoir. Mais pas seulement au royaume des cieux, mais ici aussi sur terre. Amen. He said that with persecution. Ou mit Verfolgung. Avec des persécutions. Amen. Amen. No, there are different types of persecution. Es gibt verschiedene Arten von Verfolgung. The shoe you wanted to buy, you will not buy it again. You love, you are not going again. What happened? Il y a différentes persécutions. Amen. Par exemple, il y a des chaussures que tu voulais acheter, tu vas pas les acheter parce que tu as béni l'église. Ou alors tes vacances que tu venais prendre, tu vas pas les prendre parce que tu vas bénir l'église. He said, but you are giving them does not mean they are lost. Aber sie das heißt, sie ist verloren. It means 100-fold. Et juste parce que tu les as soumis à Jésus-Christ, ça veut pas dire qu'ils sont partis en vain. Tu vas les recevoir et 5 fois 100. You know a corn, if you eat the corn, it just remain alone. But if you sow it, and it's going to grow. Amen. Amen. I don't know, have you get it? Wenn du ein Samen einpflanzt, diesen Maissamen einpflanzt, kommt nicht nur ein Maiskorn zurück, sondern ganz viele. Par exemple, si tu plantes un grain de maïs, au lieu de le manger directement, par exemple, tu récolteras beaucoup plus de maïs. And in the world to come, eternal life. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. It means relationship with Christ. Amen. Und ewiges Leben, und das ist Leben mit Jesus Christus, Beziehung mit Jesus Christus. Et la vie éternelle, et ça veut dire d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Go back to Matthew 7, please. Matthieu 7. Matthieu 7. Then in verse 26. Verset 26. And everyone that heareth this saying of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the flood came. And the wind blew, and beat upon that house. And it fell, and great was the fall of it. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire de ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison et elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 28 said Jesus have his own doctrine. In 28 steht, dass Jesus seine eigene Lehre hat. Dans le verset 28, Jésus nous dit qu'il a sa propre doctrine. Amen. Lisez-le vous-même à la maison. His doctrine is different from religious doctrine. Seine Lehre ist anders als religiöse Lehre. Sa doctrine est différente de celle de la religion. Verse 29, he said, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Amen. Verset 29, car il parlait avec une autorité que n'avait pas leur spéciale. Spécialité de la loi. Amen. Praise the Lord. Spécialiste de la loi, pardon. Yeah. Amen. Amen. Is your heart open to him? Ist unser Herz offen gegenüber Christus? Est-ce que ton cœur est ouvert pour Jésus-Christ? Praise the Lord. Alléluia. I will quickly leave there a little bit. We are coming back there. Go to Matthew 18. Please. Matthäus 18. Matthieu 18. You know, for the radicals, there are a lot of correction on the way. Für die Radikalen gibt es viel Belehrung auf dem Weg. Pour les violents, pour les radicals, il y a beaucoup de corrections sur le chemin. For the radicals, there are a lot of correction on the way. A lot of correction, a lot of forgiveness. Verbesserung, viele Vergebung. Il y a beaucoup de corrigement, il y a beaucoup de pardon, beaucoup de repentation. Praise the Lord. Alléluia. There are a lot of forgiveness, there are a lot of correction, there are a lot of repentance. Viel Verbesserung, Vergebung, Belehrung, Buße. Il y a beaucoup de repentation, beaucoup de corrigement, beaucoup de pardon sur le chemin. Quoi. Go to Matthew 18. Matthew 18. We'll quickly read from verse 21. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him? Praise the Lord. Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irais-je jusqu'à 7 fois? Sorry. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Are we there, please? Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7, which is 490 times a day. Amen. Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, 70 fois 7 fois. We are talking about what kind of forgiveness here. Wir sprechen hier über Gottes Art von Vergebung. Not what man calls forgiveness. Yeah. Und nicht das, was Menschen vergeben. Mais là, ici, on parle du pardon de Dieu et pas ce que le monde appelle pardon. Amen. Amen. What kind of forgiveness? You never go there again. In Gottes I don't know if somebody's getting it. It's not I forgive you until the next problem. That's what husband and wife, we are specialists in it. Bei Gottes Vergebung, da vergibt und vergisst friends. Man. Und nicht vergeben und abspeichern und wieder hervorbringen, wenn es wieder in die Situation passt. Quand on parle du pardon de Dieu, c'est qu'on pardonne et on oublie, et pas le pardon de ce monde, surtout entre les époux. Tu pardonnes peut-être, mais ça reste enregistré dans ta tête, même dans ton cœur. We love to point fingers of blame. Blaming one another wir is evil. Es, einander the zu Bible beschuldigen. Says rejoice in everything. Die Bibel sagt, wir sollen uns in allem freuen. I'm not blaming one another. On aime, on adore s'accuser et ouais, accuser notre prochain. Praise the Lord. Alléluia. Accusing one another, you know, blaming one another, accusing. We are to stop it. That is not Christ's word. You allow your body to be a vessel for Satan. Wir lassen aber dabei zu, dass unser Körper ein Gefäß des Teufels ist. Mais avec ça, on permet que notre corps est un vaisseau pour le diable. Praise the Lord. Alléluia. God kind of forgiveness. Gottes Vergebung. Le pardon de Dieu. What Christ called forgiveness. Was Christus Vergebung nennt. Ce que le Christ appelle le pardon. It's not what this world called forgiveness. Ist nicht das, was diese Welt Vergebung nennt. N'est pas ce que ce monde appelle pardonner. And Christ alone is the healer. Und and Christus not time. Alleine ist die Heilung aller Wunden und nicht Zeit. Et Jésus-Christ lui-même est notre guérison et pas le temps. Praise the Lord. Alléluia. Christ is the healer. That's what he's telling you here. That's why he said 490 times. Because without him, he, you know, that wound is so heavy that no one can heal it. You cannot continue to forgive somebody without him. Und deswegen sagt er 490 Mal, weil ohne ihn kannst du so nicht vergeben. Ohne ihn kann diese Wunde nicht geheilt werden, wenn sie immer wieder aufgerissen wird. C'est pour ça que le Christ nous dit qu'on doit pardonner 490 fois par jour. Parce que sans lui, ce n'est pas possible. Et sans lui, cette paix, cette blessure qu'on aura va à chaque fois s'ouvrir de nouveau si on ne pardonne pas. Him alone is the healer of the wound and not time. Er allein ist die Heilung der Wunden und nicht Zeit. Lui, seul lui est vraiment notre guérison, la guérison des blessures et pas le temps. If you look at Luke version of it, go to Luke 17. Luke 17. On va voir la version de Luke. Luke 17. Luke 17. From 1 to 5. De 1 à 5. Then said he unto the disciples, it is possible but that offenses will come, but woe unto him through whom they come. Hate to fight one another. Hasst es einander zu bekämpfen. Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de chute, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. If we are in the spirit, we will not provoke one another. Wenn wir im Geist sind, werden wir einander nicht provozieren. Mais si on est dans l'esprit, on va pas se provoquer, on va pas se provoquer l'un à l'autre. The flesh is full of provocation. Das Fleisch ist voll von Provokation. La chair est remplie de provocations. That is why it's so good to live in the spirit. Deswegen ist es gut, im Geist zu leben. C'est pour ça qu'il est bien de vivre dans l'esprit. I hope you know how to live in the spirit. Ich hoffe, ihr wisst, wie man im Geist lebt. J'espère que vous savez comment vivre dans l'esprit. Remember Christ always. Indem man sich immer wieder an Christus erinnert. En se rappelant toujours à Jésus-Christ. Amen, c'est comme amen. Ça qu'on vit dans l'esprit. Amen. Verse 2. It were better for him that a millstone were hung about his neck and he cast into the sea than that he should offend one of these little ones. Verse 3. Take heed to yourself. If your brother trespass against you, rebuke him. And if he repent, forgive him. Verse 4. And if he trespass against you, 7 times in a day, and 7 times in a day, turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. And the disciples said unto the Lord, increase our faith. We need your help. Wir brauchen eine Hilfe. Shall I read? Praise the Lord. It's too long, chat. Please, okay. The people, we should learn to read at home also. Ouais. Amen. Ouais. Especially the French. Je vais pas lire, mais il est nécessaire de toujours lire en même temps. Comme ça, on gagne du temps et ça, c'est aussi plus facile et c'est mieux pour pour se rappeler de la parole et méditer là-dessus. You know, every one of us have been wounded in one way or the other. Jeder von uns wurde mal verletzt irgendwie. Chacun d'entre nous ici a déjà été offensé, a déjà été blessé d'une manière ou d'une autre. And it is not only that, people are still wounding us. Und Leute verletzen uns immer noch. Et ça se passe même aujourd'hui encore. And they are still going to wound you. Und sie werden wound dich auch weiterhin verletzen. Et ils vont continuer à te blesser. Just like we are still going to be wounding Christ. Genauso wie auch Christus immer wieder verwunden and werden. Are you getting it? Tout comme on va continuer à blesser Jésus-Christ. But the Bible said his mercy endured forever. Aber die Bibel sagt, seine Gnade währt auf ewig, seine Vergebung ist auf ewig. Mais la Bible nous dit que sa grâce et son pardon est pour toujours. You learn to forgive. Wir lernen zu vergeben. And on go back there. Und nicht wieder zurückzugehen. Et on apprend à pardonner et ne pas retourner dans le passé. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. If your focus is Christ, it is so easy to repent. Wenn dein Fokus auf Christus liegt, ist es einfach, Buße zu tun. Si tu es concentré sur Jésus-Christ, il est facile pour toi de se repentir. If your focus is Him, it's so fast to forgive. Wenn dein Fokus auf ihm liegt, ist es so schnell zu vergeben. It is all about Him. Wenn es um ihn geht. Si tu es vraiment concentré sur lui, si tu es vraiment focalisé sur lui. Il est facile pour toi de pardonner. Because the Holy Ghost is there to also help you. Parce que le Saint-Esprit est là pour t'aider. You know why forgiveness, repentance is so difficult for us. Wisst ihr, weshalb Vergebung und Buße tun so schwierig und schwer fällt? Vous savez pourquoi le pardon et se repentir pour nous est si difficile? Because our focus is self. Weil unser Fokus auf unserem Selbst liegt. Parce que notre focus, notre concentration est sur notre chair, sur nous-mêmes. Praise the Lord. Alléluia. Take your focus away from yourself. Nimm deine Augen weg von dir selbst. Retire ton regard de toi-même. Amen. Amen. Amen. Self is a killer. Weil das Selbst ist tötet. It's a killer. Es tötet. Parce que self. Ton soi est mortel. Es geht nicht um dich, es geht um Jesus Christus. Parce qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Jésus-Christ. Your neighbor is not man, it's Jesus Christ. Amen. Dein Nächster ist nicht der Mensch, sondern Jesus. Ton prochain n'est pas un homme, mais Jésus-Christ. Praise the Lord. Alleluia. If you can remember Jesus, you will not fight anybody. Wenn du dich an Jesus erinnerst, wirst du nicht kämpfen. Si Amen. Tu te rappelles Amen. Toujours de Jésus-Christ, tu vas jamais combattre quelqu'un. You know, he never fight. You know that. Er kämpft nicht. Parce que Jésus-Christ ne se bat jamais. You know when they came to take him away to crucify him. And Peter brought out a sword that cost somebody here. He said, no, you don't do that. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. He took the ear and kept it back. And healed it. Because for him, you know, praise the Lord. Alleluia. He is the doer, not you. Amen. Let him fight for you. Amen. Und Jesus kämpft nicht. Let him fight for Wir you. Wir sehen das auch, als die Soldaten ihn abholen wollten, um ihn zu kreuzigen. Und Petrus war auch dabei und hat dann einen der Soldaten ein Ohr abgehauen, weil er halt nicht wollte, dass sie ihn festhalten oder dass sie ihn mitnehmen. Aber Jesus hat dieses Ohr wieder an das Ohr des Soldaten dran gemacht und ihn geheilt, weil er halt dazu nicht gekommen ist, sondern er ist gekommen, um zu retten und nicht zu zerstören. Mm. Und Jésus-Christ ne s'est jamais battu. Même quand les soldats sont venus l'arrêter avant qu'il soit crucifié, Pierre a sorti une épée qui a même coupé l'oreille d'un des soldats. Et Jésus-Christ a tout de suite intervenu, a même replacé l'oreille du soldat et l'a guéri. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui doit agir en nous. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas se battre. Religion fight. Aber Religion Christ never fight. Aber Christus hat das nicht nötig. La religion combat, mais Jésus-Christ n'a pas besoin de ce combat. Look at everywhere today. It's the fight of religion. Battre, und überall sehen wir das in der Welt, dass Religionen gegeneinander kämpfen. Et partout dans ce monde aujourd'hui, on voit que c'est les religions qui se combattent. Jesus is the only one different because he is not a religion. Aber Jesus ist Amen. Anders, Amen. Weil Jesus keine Religion ist. Et Jésus est différent parce que Jésus n'est pas une religion. Amen. Look at the Muslims. You know they kill. They want to kill people. They want. You know the problem is not people. The problem is Satan. Oder wenn wir uns die Muslime anschauen, die sich für ihren Gott in die Luft sprengen und Menschen mit in den Tod reißen, und das Problem ist halt einfach diese Religion. Das Problem ist der Teufel. Mm. Et si on regarde par exemple, il y a certains musulmans qui se tuent, qui bombardent des autres personnes, des civilistes et tout. C'est leur problème et leur doctrine et c'est pas Jésus-Christ. Amen. Amen. Again, self is a killer. Nochmal, das Selbst ist ein tötet. Encore une fois, ton soi est mortel. And Satan loves it. Und der Teufel liebt das natürlich, weil er ein Zerstörer ist. Et le diable aime ça parce que il est un destructeur. We look at everywhere today, it's all about self. Wenn wir überall um uns herum schauen, sehen wir, dass es den Menschen immer um sich selbst geht, um das Selbst. Si on regarde autour de nous, on voit toujours que pour chaque personne, il s'agit toujours de soi-même. Et c'est toujours moi, surtout ici en Europe, ou alors dans le monde européen. Ouais. Die Frage ist immer, was ist mit mir, was ist mit meinen Bedürfnissen, was ist mit meinen Wünschen, was ist mit dem, was ich will, was ist mit mir. Besonders in der westlichen Welt sehen wir diese Eigenschaft der Selbstbezogenheit. Habe ich schon. Amen. Amen. You know, it is Satan's best and great access to man. Self. Und das Selbst ist die größte Waffe für den Teufel gegen den Menschen. Et son propre soi est la plus grande. La plus grande arme que le diable possède contre l'être humain. You know, he came to Adam, to Eve, it was self. Er kam zu Eva mit dem Selbst. Il est venu vers Eve avec l'esprit de soi. Amen. Amen. Better take your mind away from you. So, nimm deine Augen lieber weg von dir selbst und lass sie auf Christus fokussiert. C'est pour ça, retire tes yeux de toi-même et pose-les vers Jésus-Christ et sois concentré sur Jésus-Christ. Amen. If you see Christ, you will never fight anybody. Wenn wir Christus Amen. Sehen, werden wir really see Christ. Wenn wir Christus sehen, werden wir niemanden bekämpfen. Mm. Wenn wir, si on voit Jésus-Christ, tu vas jamais combattre quelqu'un. If you are in religion, you are going to fight. Aber wenn wir in Religion leben, you are going to fight. Werden because wir irgendwann religion fight kämpfen, for their God. Weil Religion kämpft für ihren Gott. Et si on est dans la religion, on va commencer à combattre d'autres religions, d'autres personnes, parce que la religion combat pour son Dieu. In Christ's world, Christ fights for you. Aber in der Welt von Christus kämpft Christus für dich. Mais dans le monde de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qui combat pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Self is the greatest, you know, the best and greatest access. Das Satan ever had. Das Selbst ist die größte Zielscheibe des Teufels für den gegenüber dem Menschen. Le soi est vraiment l'arme préférée du diable contre l'humain. Amen. Amen. If you also look at that, you know, praise the Lord. Hallelujah. If you also look at that of when Jesus came. Wenn wir uns auch anschauen, als Jesus gekommen ist. Si on regarde aussi quand Jésus-Christ est venu. Amen. Amen. Amen. In Luke 4. Dans Luc 4. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Satan will always take you to yourself. Der Teufel nimmt dich immer wieder zu deinem Selbst. Le diable va toujours te ramener vers ton propre soi s'il veut te détruire. The temptation. En tentation. Amen. Amen. When he was going to tempt Jesus. Auch als er Jesus versucht hat in der Wüste. Quand il a essayé de tenter Jésus dans le désert. If from verse 3 said, look at. And the devil said unto him, If thou be the son of God, if you are the son of God, you, he says, you, who are you? Si toi, tu es le fils de Dieu. It's always the same. Who are you? Es geht immer um dieses Selbst, dieser Fokus. Il s'agit toujours de ce soi, de ton ego. And that's why Jesus said, until you hate yourself, you can never follow him. Because Satan will use it against you. Erst wenn wir uns selbst hassen, können wir ihm folgen, weil der Teufel wird dieses Selbst immer wieder gegen uns verwenden. Et c'est pour ça que Jésus-Christ nous dit que tant qu'on n'est pas notre propre soi, on ne sera jamais capable de le suivre. On doit vraiment crucifier notre chair, notre soi. He said, if thou be the son of God, if you are really the son of God, he wanted him to doubt his identity. Er wollte, dass Jesus seine Identität in Frage stellt. Er hat gefragt, bist du wirklich der Sohn Gottes? Aber du zweifelst niemals an deiner Identität und brauchst sie auch nicht zu beweisen. Là, on voit vraiment que le diable a essayé de tenter Jésus. Il a essayé de le faire non, d'oublier sa propre identité. Si toi, tu es vraiment le fils de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 5. And the devil taking him up into an high mountain showed unto him all the kingdom of the world in a moment of time. And the devil said unto him, all this power will I give unto thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. If thou therefore we worship me, all shall be yours, shall be done. Can you Amen. See that self? C'est selbst wieder. Vous pouvez voir vraiment ce. That self is always there. Ce soi-là, cet égoïsme. Praise the Lord. Hallelujah. For Satan to steal, kill and destroy, you have to bring it to yourself. Damit der Teufel töten, stehen und zerstören kann, muss er erstmal deine Augen auf dich selbst richten. Afin que le diable peut détruire, voler et tuer, il doit d'abord poser ton regard vers toi-même. If you look at people fighting the church, they are so full of themselves. Wenn wir uns Leute anschauen, die Gemeinden angreifen, sie sind voll von sich selbst. Si tu vois les gens aujourd'hui qui combattent les églises, ils sont remplis de soi-même, ils sont remplis de leur soi. You will destroy you. You will destroy you. Aber du wirst dich selbst zerstören. C'est toi-même qui va te détruire. The greatest enemy to man is self. Der größte Feind des Menschen ist er selbst. Le plus grand adversaire de l'être humain, c'est lui-même. It's not even Satan. It's not even Satan. But self. Because he needs self to go through. If without self, he cannot come to you. Denn er braucht das Selbst, um auf dich zuzukommen. Aber ohne das Selbst findet er keinen Zugang zu dir. Le plus grand ennemi, c'est même pas Satan, c'est toi-même. Parce que le diable a besoin de ce soi-là en nous pour pouvoir nous détruire, pour pouvoir nous combattre. You will destroy you if you refuse to return to Christ. Du wirst dich selbst zerstören, wenn du dich weigerst, zu Christus zurückzugehen. Tu vas te détruire toi-même si tu n'es pas capable à revenir vers Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Let me quickly give you this. Jesus was radical in everything. Jesus war radikal in allem. Jésus était violent, Jésus était radical en tout. In all areas of life. In jedem Bereich seines Lebens. Dans chaque aspect de sa vie. And remember, he came as a son to teach us and show us how to live as sons of God. Und erinnert euch, er kam als Sohn, um uns zu zeigen, wie wir zu leben haben, um es uns vorzumachen. Et rappelez-vous qu'il est venu comme le Fils de Dieu pour être un exemple pour nous, pour nous montrer comment vivre en tant qu'enfant de Dieu. He came to show us, to reveal to us how to live as a son of God and as a son of man. Er hat uns gezeigt, wie wir als Menschensohn leben und als Sohn Gottes leben hier auf Erden. Il est venu pour nous montrer comment vivre en tant que fils de Dieu et en tant que fils de Jean 13, verse 15. Verset 15. Jean 13, verset 15. He said, for I have given you an example that you should do as I have done for you. He is our example. Er ist unser Vorbild. Il est notre exemple. Il est notre exemple. Amen. Amen. He came to teach us how to live as God's children. Er kam uns zu zeigen, wie als Kinder Gottes leben. Il est venu pour nous montrer comment vivre en tant qu'enfant de Dieu. That you can be in this world and live in the kingdom of heaven. Dass wir in dieser Welt sind und im Königreich des Himmels leben. Il est venu pour nous montrer qu'on peut vivre dans ce monde, qu'on peut être dans ce monde mais vivre dans le royaume des cieux. That you can live in this world and have its own kind of peace. Dass wir in dieser Welt leben und seinen Frieden aber haben. Qu'on peut vivre dans ce monde mais avoir sa paix, sa propre paix. That you can live in this world and have its own kind of joy. In dieser Welt forgiveness leben and everything that belongs to him. Seine Freude, seine Vergebung, seinen Frieden ausleben können. Qu'on peut vivre, qu'on peut être ici dans ce monde mais avoir sa propre paix, sa propre joie, sa propre Frieden. Frieden. Vergebung. Et son pardon à lui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said he is our example. Er sagt, er ist unser Vorbild. Lui-même dit qu'il est notre exemple. Amen. Amen. He will not tell us to do what he did not do. Er wird uns nicht sagen, etwas zu tun, was er selbst nicht getan hat. Il va jamais nous dire de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. He will not tell us to love the love that he did not love. Er wird nicht sagen, du sollst die Liebe weitergeben, die er selber nicht weitergegeben hat. Il va jamais nous dire de aimer d'une manière que lui-même n'a pas aimé. Praise the Lord. Alléluia. He said you are to do it by choice. Er hat gesagt, es ist eine Entscheidung. Il a dit qu'on doit choisir. Choose to choose him. Wähle dich, entscheide dich für ihn. Amen. On doit choisir Jésus-Christ. Choose to submit to Jesus Christ. Entscheide dich, dich Christus hinzugeben. Choisis de te soumettre à lui. Choose to be there for God's children. Entscheide dich für Kinder Gottes da zu sein. Choisis d'être là pour tes frères et sœurs. Choose to be there for the ministry. Entscheide dich für die Gemeinde da zu sein. Choisis d'être là pour l'assemblée que tu. Die Gemeinde von Christus. L'assemblée de Jésus Christ. His kingdom is a kingdom of choice. Denn sein Königreich ist ein Königreich der Wahl, der Entscheidungswahl. Parce que son royaume est un royaume de choix. John 10, verse 17 and 18. Can you help us to read 17? And Elias, you will read 18, please. Johannes 10, verse 17. Jean 10, verset 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Praise the Lord. Hallelujah. Freedom of choice. Amen. Wir haben eine Entscheidungsfreiheit. On a la liberté de choisir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. This same commandment we are to receive from him. Dies gleiche freedom Gebot of choice, sollen choose wir von ihm all the time. Empfangen, dass wir uns immer wieder für ihn entscheiden. Dans Jean 10, verset 17, et 18, on voit quel commandement Jésus a reçu. Et c'est le même commandement que Jésus nous a donné. He said he gave his life to us by himself. It was not by force. Hier steht, er hat uns freiwillig sein Leben gegeben und nicht aus Zwang. Il n'a pas été forcé à nous donner sa vie. Il a fait ça librement. He said, don't allow it to be forced for you to be there for him. Lass nicht zu, dass du aus Zwang für den Herrn da bist. C'est pour ça qu'on ne doit pas permettre que qu'on est là pour l'église ou pour nos frères et sœurs par force. Non, mais la force. Mensch, love force. Der Mensch liebt es, gezwungen zu werden. L'homme aime être forcé. Oh, danke schön. L'homme aime être forcé à faire des choses. La force move them. Zwang bewegt sie dazu. Si on est forcé à faire quelque chose, c'est là qu'on commence à agir. Amen. Force of fear. Der Zwang der Angst bewegt sie zu Taten. Par exemple, la peur nous force à agir, par exemple. Amen. Amen. If you will not bless the house of God, God will not bless you. The force of fear will make you bless. Der Zwang der Angst sorgt dafür, dass du beispielsweise segnest, weil du weil dir gesagt wird, dass wenn du nicht in das Haus Gottes segnest, wird Gott dich bestrafen. Par exemple, si tu crois que Dieu va te punir si tu bénis pas l'église de Dieu. C'est là, c'est la peur qui va te pousser à bénir l'église de Dieu, et ça c'est la loi. He wants us to be there for him with our force. Aber Jesus möchte, dass wir freiwillig für ihn da sind, uns entscheiden, für ihn da zu sein. Mais Jésus Christ veut qu'on vient vers lui librement et qu'on on choisit, qu'on fait notre choix librement. Choose to be there for him and not until you are forced. Entscheide dich für ihn da zu sein und nicht bis du erst gezwungen wirst dazu, für ihn da Donc, zu sein. Donc choisis d'être là pour lui et pas attendre le moment où tu seras forcé à être là pour lui. He does not want to take anything from you. We just read Mark 10 where he said, whatever you give me, 100-fold return. You can see that it's not about, you know, it's not about taking things from you. It's about that he wants his life to be seen in you. Es geht nicht darum, dass er dir Sachen wegnehmen will, sondern er möchte, dass sein Leben in deinem Leben sich manifestiert. Il ne s'agit pas que Dieu veut te retirer ou veut te prendre des choses, mais il s'agit que de voir qu'il agit en toi. Il veut que lui-même se manifeste en toi. Praise the Lord. Hallelujah. Choose to bless his house without force. Entscheide dich, sein Haus zu segnen ohne Zwang, das freiwillig zu tun. Donc choisis de bénir sa maison, mais sans être forcé à le faire. To be able to bless his house without force is a big deal today. Sein Haus freiwillig zu segnen ist eine große Sache. Bénir sa maison librement est quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. We don't preach force. That's law here. Wir predigen hier nicht Zwang. Wir predigen hier die Gnade Gottes, die Liebe von Jesus Christus. Ici on prêche pas la loi. Forcer c'est la loi. Ici on prêche la grâce de Dieu, la grâce de Jésus Christ. Our forcing is God kind of force. Amen. Unser Zwing ist Gottes Art zu zwingen. Et si on force, that's repeating the truth today. On force avec la force de Jésus Christ. Unser Zwang ist nämlich darin, dass wir die Wahrheit immer wiederholen. Et en se répétant, c'est comme ça qu'on exerce notre force. Praise the Lord. Alléluia. To be able to bless his house without force, it is a big deal today. And Christ loves it so much. Amen. Sein Haus zu segnen ohne Zwang ist eine große Sache und der Herr liebt das. Donc pouvoir bénir la maison de Dieu sans être forcé est quelque chose qui est agréable à Jésus-Christ. Please quickly go to Luke 14. Luc 14. Wir lesen Lukas 14. Luke 14, 12 to 14. Wir lesen Lukas 14, 12 bis 14. On va lire Luc 14, de 12 à 14. Look at what he said here. Very interesting. Amen. Amen. He said, then said he also to him that bid him, when thou makest a dinner or a supper, call not the friends, nor the brethren, neither the kinsmen, nor the rich neighbors, lest they also bid thee again, and a recompense be made thee. Verse 13. But when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind. Verse 14. And thou shalt be blessed, for they cannot recompense thee. For thou shalt be recompensed at the resurrection of the just. Praise the Lord. Hallelujah. You have to understand what Jesus is saying here. Wir müssen verstehen, was Jesus hier sagt. On doit comprendre ce que Jésus a dit ici. Amen. Amen. Amen. He's talking about grace. Er spricht über die Gnade und nicht über das Gesetz. Il parle ici de la grâce et pas de la loi. Amen. Amen. To be able to bless his house under grace is a big deal. In der Lage zu sein, sein Haus in der Gnade zu segnen, ist eine große Sache. Donc être capable de de bénir sa maison sous la grâce et pas la loi est vraiment quelque chose qui est agréable à ses yeux. Under grace, you are not looking for somebody to reward you. Unter der Gnade suchst du nicht nach jemandem, der dich belohnt. Parce que sous la grâce, tu vas pas chercher à quelqu'un qui va te récompenser pour ton acte. Under law, you are looking for somebody to pay back. Unter dem Gesetz suchst du nach jemandem, der zurückzahlt. Mais sous la loi, tu vas chercher quelqu'un qui va payer pour ce que tu as donné. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It is the same that he said in Romans 5. Let's go to Romans 5. Römer 5. Exactly what he said here is what is in Romans 5. Wir lesen Römer 5. Romans 5. On va lire Romans 5, de 6 à 8. Romans 5, 6 to 8. He said, for when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. I don't know if you are getting it. Amen? Amen. For scarcely for a righteous man, we won't die. Yet peradventure for a good man, some who even dare to die. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste? Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien? He said, but God commended his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Praise the Lord. Hallelujah. He did not choose to die for the good people. Er hat sich entschieden für die guten Leute zu sterben oder für die, sondern für Sünder. Il a, Jésus-Christ n'a pas choisi de mourir pour les gens justes, mais là il est mort pour les pécheurs. Just like if you want to have a party, you people will want to call those that can reward them. Genauso wie wenn man not those that cannot reward them. Und die Leute einlädt, die einem zurück einladen können oder die einem krasse Geschenke machen. Tout comme aujourd'hui les gens, s'ils font une fête par exemple, ils vont toujours vouloir des gens qui vont peut-être leur amener des grands cadeaux ou alors bah, quand eux ils auront leur fête à fêter, qui vont les inviter aussi. You know, to die for those that love you and die for those that don't love you. They are two different things. Es gibt einen Unterschied für Menschen zu sterben, die dich lieben, oder für Menschen zu sterben, die dich eben nicht lieben. Il y a une différence de mourir pour les pécheurs, pour les gens qui ne t'aiment pas, ou alors de mourir pour les gens qui t'aiment. Amen. Amen. You know, in this ministry, you know, my mercy, for example, if you bless this ministry with big money, people will not be surprised. They say, okay, it's a daughter. You know, when somebody now come out and say, yes, I'm there for the ministry, then it's another level entirely. Es ist so, wie als ob meine biologische Tochter, wenn sie in diese Gemeinde Geld gibt, dann würden Leute denken, ja, ist doch klar, sie Geld gibt, weil sie hier wohnt und weil sie sozusagen zur physischen Familie gehört. Aber wenn jemand anderes von außerhalb das tut, ist das nochmal eine andere Ebene. Comme par exemple, si je donne l'exemple de ma fille biologique, si elle bénit la maison, l'église de Dieu avec une grande somme, les gens vont se dire peut-être, c'est normal, ça, elle bénit sa propre poche, on peut dire. Mais si par exemple quelqu'un de l'extérieur le fait, de la même manière, c'est une autre dimension. You know, another is, you know, if I, those, my children in Bielefeld, amen. Meine Kinder in Bielefeld. Par exemple, mes enfants à Bielefeld. You know, for you. It's like you hardly come here. Ihr seid nicht oft hier in der Gemeinde physisch. Vous êtes pas souvent ici physiquement. And for you to be able to bless this ministry. Und in der Lage zu sein, diese Gemeinde zu segnen. Mais pour vous d'être capable d'être là pour Jésus-Christ et de bénir son église. It's different from when people that are here are there for Christ. Ist noch mal anders als wenn Leute, die diese Gemeinde regelmäßig physisch besuchen. In die Gemeinde geben. C'est encore une fois, c'est pas comparable à les gens qui habitent près de l'église et quand ils bénissent l'église parce qu'ils viennent ici souvent. You know, the people here, we said we are eating, we are sleeping, we are doing this, we are doing this. But the people there, there's just nothing. Amen. You know, to be able to say yes, I will be there for Christ. It's another level. Und die Leute, and because we cannot even see that we are there. Amen. Amen. Die Leute, die physisch immer hier sind, würden sagen, okay, ja, weil wir hier essen, weil wir hier trinken, weil wir hier schlafen, deswegen gebe ich halt etwas mehr. Aber die Leute, die dann halt von weiter weg sind und dennoch geben, obwohl sie physisch hier nicht so diesen so viel nutzen, das ist einmal ein ganz anderer, eine ganz andere Ebene vom Geben und Gottvertrauen, Christusvertrauen. Les gens qui vivent ici dans les alentours, ils vont dire, ils peuvent se dire que nous, on mange ici régulièrement, on dort ici, on est souvent ici, mais eux qui viennent rarement ici, ça nous montre encore une fois que cela, c'est une autre dimension du partage, de bénir l'Église de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that is the meaning of Luke 12, verse 12 to 14. Das lesen wir in Lukas 12 bis 14. Et c'est la même chose qu'on a lu ici dans Luc 12 à 14. Luc 14, 12 à 14. Praise the Lord. Hallelujah. You know, that I will not steal because I'm a child of God, that I will not steal so that I will not be caught. They are two different things. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, wenn du sagst, okay, ich gehe nicht klauen, weil ich keine Lust habe, erwischt zu werden, oder ich gehe nicht klauen, weil ich ein Kind Gottes bin. Il y a une différence entre ne pas voler parce que tu es un enfant de Dieu, ou alors ne pas voler parce qu'on va te... Parce qu'ils vont te... Comment on dit ça en français? Parce qu'ils vont t'arrêter, merci. Praise the Lord. Alléluia. In Matthew 6, from 1 to 6. In Matthew 6, 1 to 6. Dans Matthieu 6, de 1 à 6. We are there. You know, don't allow your motive to be selfish motive. Da haben wir gelesen, a self-motive. Dass dein Motiv keine selbstsüchtigen Motive sein sollen. On a lu ça tout à l'heure. On a lu que on doit se rappeler que notre motif ne doit pas être charnel, ne doit pas venir de notre soi, de notre selfish motive. That's self. It is all about me. What I'm going to gain. What am I going to gain in return? Let Christ be your gain. Lass zu, dass Christus sozusagen dein Lohn ist. On doit permettre que notre récompense soit Jésus-Christ. Et pas avoir des motifs personnels, pas avoir des motifs charnels. Praise the Lord. Alléluia. It is not what benefits you that you are going to run after. It is what Christ said. Du wirst nicht hinter dem her sein, was dir zugute kommt, sondern hinter dem her, was Christus will. On doit suivre ce qui est bon pour Dieu, ce que Dieu veut dans notre vie, ce que Dieu veut pour nous, et pas ce que nous-mêmes on veut pour nous. The spirit of self. Der Geist ist selbst. L'esprit de soi. Jesus did not have that spirit. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi. Amen. Amen. Jesus did not have that spirit. Jesus hatte diesen Geist nicht. Jésus n'avait pas cet esprit-là. If not, he will not be able to save us. Sonst wäre er nicht in der Lage gewesen, uns zu retten. Parce que sinon il n'aurait pas été capable de nous sauver. If not, he will not come without force. Sonst wäre er nicht ohne Zwang gekommen. Parce que sinon il serait pas venu sans la force. Enfin, sans Let forcer choose. Les choses. Let us choose to be there for Christ without Lasst force. Lasst uns wählen, für Christus da zu sein, ohne Zwang. Donc on doit choisir Jésus-Christ sans être forcé à le choisir. You never leave anything or something for him for nothing. Wir übergeben Jesus nichts umsonst. On soumet rien à Jésus-Christ en vain. Hebrews 11 says he is the rewarder of those that diligently seek him. In Hebräer 11 steht, dass er die Leute belohnt, die ihn kontinuierlich suchen. Hébreux 11 nous dit que il récompense ceux qui le cherchent à chaque instant. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. For him, nothing. You know, something never go for nothing. Für ihn ist nichts Zufall. Pour lui, il n'existe pas d'hasard. Look at what he said in John 12. Schaut euch an, was John 12, Johannes 12 sagt. Wir lesen Johannes 12. We have some few minutes more. Amen. Amen. Amen. John 12. Johannes 12. Jean 12. John 12, 24. Jean 12, 24. He said, verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if he die, he bringeth forth much fruit. He was talking about himself here. And you are me. Jean 12, 24. Let me read it. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé qu'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Praise the Lord. Alléluia. Là, il a parlé de lui-même, Jésus-Christ. Amen. Amen. He said in verse 25, he said, he that loveth his life shall lose it. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. And he that hateth his life in this world shall keep it unto eternal life. Life eternal. Amen. Amen. Mais celui qui fait peu de sa vie en ce monde de la gardera pour la vie éternelle. Amen. Amen. Amen. What can prevent you from hating your life is you. Was kann ich davon abhalten, dein Leben zu hassen? Es ist du selbst. Ce qui peut t'empêcher à haïr ta vie, c'est toi-même. Amen. Amen. What can take you away from him is self. Was ich von ihm wegnehmen kann, ist das selbst. Ce qui peut t'éloigner de Jésus-Christ, c'est toi-même. You know, where we just read, Jesus is talking about himself and us. Jesus spricht über sich selbst und uns. Là, Jésus-Christ parle de lui-même et de nous. What our lifestyle should be. Was unser Lebensstil sein soll. Ce qui doit être notre mode de vie. Christ is everything for us. Amen. Christus ist alles für uns. Dieu est tout pour nous. In John 13:1. Please read here at home. Let it be your homework. John 13:1-17. Johannes 13, 1 to 17. We don't have time to go there. Jean, bitte Jean 13, de 1 à 17. Lisez ça à la maison, s'il vous plaît. Amen. Amen. Amen. Look at verse 13. From verse 13, he said, you call me master and lord, and you say, well, for so I am. I am your Lord and your master. Ich bin dein Herr und dein Retter. Je suis ton Seigneur et ton Sauveur. Praise the Lord. Alléluia. Christ is everything for us. Dieu, Jésus-Christ est tout pour nous. He is our example. Er ist unser Vorbild. Il est notre exemple. Amen. On vient de lire ça. Just that is verse 15. Amen. He said he is our example. So he is everything for us. Er ist unser Vorbild, deswegen ist er alles für uns. Il est notre exemple, c'est pour ça qu'il est tout pour nous. You know, if you look read here, he washed their feet. Wenn wir das hier lesen, hat er ihre Füße gewaschen. Si on lit ça ici, on voit qu'il a lavé leur. You know how this religion, they are washing people's feet everywhere. Waschen Leuten die Füße, aber darum geht es nicht. Das ist nicht das, was Jesus sagt. It's not about the outside. Es geht nicht um das Äußere. Toutes ces religions aujourd'hui où les gens se font laver les pieds. Mais c'est pas ça qui est important. Il ne s'agit pas de l'extérieur, mais de l'esprit. Amen. Amen. It is not about washing your legs. Es geht nicht um deine Füße. Or I wash your legs. It's not about that. Il ne s'agit pas que moi, par exemple, je lave vos pieds. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. It is about relationship with Christ. Es geht um die Beziehung mit Jesus Christus. Und sich Jesus Christus hinzugeben. Il s'agit d'avoir une relation avec Jésus-Christ et de se soumettre à Jésus-Christ. Jesus was radical in all. Jesus war radical im All. Jésus était violent, il était radical. Including giving himself. Auch im Geben, er hat sich selbst gegeben. Même en se donnant lui-même. Amen. Amen. So also he wants us to be radical in all. Genauso will er, dass wir radikal sind im Allem. C'est pour ça qu'il veut qu'on soit radical dans tout. Including blessing the house, his own house. Auch im sein eigenes Haus segnen. Et aussi quand il s'agit de bénir sa maison. It is very, very important for him. Das ist sehr wichtig für ihn. C'est très important pour lui. Even in Old Testament, but in all, amen. Im Alten oder im Neuen Testament sehen wir das. Amen. On voit ça dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. If you go to Old Testament, that's Malachi, and you also Deuteronomy. Wenn wir ins Alte Testament gehen und uns Malachi angucken oder 5. Mose. Amen. Si on regarde par exemple dans l'Ancien Testament. All of them, they are saying the same thing. Sie alle sagen das Gleiche. Let's go to Malachi. Ils disent tout la même chose. Malachi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Malachi. Malachi 3. From verse 6. Please, we will quickly go through. Amen. He said, "For I am the Lord, I've changed not. Therefore, you sons of Jacob are not consumed. Even from the days of your fathers, you are gone astray from my ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you," said the Lord of hosts. But you said, "Wherein shall we return? Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, wherein have we robbed thee? Are we their place? Mm-hmm. In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. And prove me now, herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Or you can, will you be fast? Amen. Praise the Lord. So if you read here, amen. Si on lit ça ici. He said we rob him. Yeah, in one way or the other. Auf eine oder andere Weise. Que on vole Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Amen. In verse 11, he said, "And I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruit of your ground. Neither shall, you know, ground, it mentions ground here. Ground. Der Boden. La terre. You know, anytime we talk about money, we are talking about ground. Anytime we talk about ground, we are talking about money. Sobald wir über den Boden sprechen, sprechen wir über Geld. Und wenn wir über Geld sprechen, sprechen wir über den Boden. Donc, quand on parle de la terre, on parle de l'argent. Et quand on parle de l'argent, on parle de la terre. When God calls Adam, als Gott Adam versucht hat, in 1. Mose 3, er hat dann auch den Boden verflucht. Dans go there, please. Wir lesen 1. Mose. Genesis 3. Quand Jésus-Christ a, quand Dieu, pardon, a maudit Adam, il a en même temps, il a maudit aussi la terre. Praise the Lord. Alléluia. Genèse 3. From verse 17, he said, "And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of your wife, and have listened to the, and hast eaten of the tree, of which I command thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground." Do you see there? Mm-hmm. "For your sake, for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of your life. Mm-hmm. Thorns also, and thistles, shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herbs of the field. In the sweat of your face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it was thou taken, for thou art, and unto dust shalt thou return." Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He caused the ground. Er hat den Erdboden verflucht. Il a maudit la terre. On a lu de 17 à 19. And everything, you know, because Satan now possess everything. The world. Weil dem Teufel jetzt die ganze Reichtum gehört. The was world that's supposed to become that belong to man. Der eigentliche Menschen gehören sollte. Ouais. Parce que c'est Dieu maintenant qui possède toute la terre. Ce qui devait normalement nous appartenir à nous appartient au diable maintenant. It's only two powers that have the world today. Denn nur zwei Mächte haben diese Kraft. Mais parce qu'il y a deux forces sur cette terre aujourd'hui. Satan. Die Kraft des Teufels oder die Kraft von Christus. Il existe cela que la force du diable et la force du Christ. Satan have the wealth. Say it's Adam that gave it to him. Der Teufel hat diesen Reichtum, weil Adam ihn das freiwillig übergeben hat durch den Sündenfall. Et Satan a la richesse de ce monde parce que Adam lui a remis. Amen. Après la chute de l'homme. Lucas 4, à cause de la chute de l'homme plutôt. Amen. Si on se rappelle de Luc 4. Christ have the wealth. Christus hat den Reichtum. Because he have taken it away from Satan. Weil ihn dem Teufel wieder weggenommen hat. Et Jésus-Christ a regagné cette richesse du diable pour nous. Amen. Amen. You know those people that worship Satan, they know that their economy is not here. Die Leute, die dem Teufel dienen, sie wissen, dass ihre Wirtschaft nicht hier auf Erden ist. Par exemple, les gens qui adorent le diable. The people that, you know, the money rituals. Leur richesse n'est pas dans ce monde-ci. That just do not, that you know, that commit, that are connected to demon, to Satan himself, to get wealth. You know, he told Jesus Christ in Luke. We look for. He said, if you worship me, I will give it to you. He has it. Because it is Adam that gave it to him. Amen. Through the rebellion. Und diese Satanisten beispielsweise, sie haben halt auch diese Macht vom Teufel halt überreicht bekommen, weil ihr Vater, der Teufel, sie von Adam bekommen hat. Et tout comme les gens qui font des rites occultes, par exemple, ils savent que leur richesse vient du diable parce que cette richesse-là leur a été donnée au diable par Adam à cause de la chute. That Jesus took it away from him does not mean he does not still have it. Let me clear something here. Nur weil Jesus es weggenommen hat, heißt nicht, dass der Teufel es nicht noch hat. Juste parce que Jésus-Christ a regagné cette richesse du diable pour nous ne veut pas dire que le diable ne la possède. He still give money to people to do that Satan. Der Teufel kann immer noch Reichtum geben und Ruhm schenken. Das macht heute immer noch. Par exemple, le diable donne toujours des richesses aux gens ou alors la célébrité aux gens, des trucs comme ça. But his own is with destruction. Aber sein Ruhm, the blessing of the Lord, und sein Reichtum no sorrow, ist mit Zerstörung verbunden. Aber der Segen des Herrn fügt uns kein Leid hinzu. Mm. Mais la bénédiction de Satan est toujours connectée avec une destruction. Mm. Donc s'il te donne quelque chose, sois sûr que tôt ou tard ça va te détruire. Mais ce que le Christ te donne n'est jamais connecté à une destruction. Amen. Christ have his own wealth. Christus hat sein eigenes Reichtum. Jésus-Christ a sa propre richesse. Amen. Amen. He have his own wealth. Er hat sein eigenes Reichtum. Il a sa propre richesse. And God's children, you know, we don't know how to tap into his wealth. Wir Kinder Gottes wissen nicht, big problem, wie man in diesen Reichtum eingeht, und das ist ein großes Problem für uns. Et les enfants de Dieu aujourd'hui ne savent pas comment accéder à cette richesse, et ça c'est un problème pour nous. If you look at satanic world, they know how to tap there into them. You can see the world with them. I don't know if you are getting it. You can see it. Reichtum vom Teufel in ihrem Leben. Par exemple, les païens ou plutôt les satanistes, par exemple, ils savent comment accéder à leur richesse que leur père leur donne. But you know, Christ's family, they want to do it in normal way. Aber die Familie von Christus, we are born again, but we are natural. Will die Dinge natürlich machen. Christ's world is not a natural world. Aber es ist supernatural. Denn das Königreich von Christus ist übernatürlich und nicht natürlich. Et le problème qu'on a aujourd'hui, les enfants de Dieu, c'est qu'on essaye d'obtenir notre richesse, mais avec des moyens charnels, avec des moyens naturels, or que notre richesse est surnaturelle. Praise the Lord. Alléluia. God children never believe in that supernatural wealth. Die Kinder Gottes glauben nicht an diesen übernatürlichen Reichtum. Mais les enfants de Dieu ne croient pas en leur richesse surnaturelle. Amen. Amen. Okay, we are born again. Wir sind wiedergeboren. Und in der But how to live there, we don't know. Aber wir wissen nicht, wie wir da leben. On ne sait pas comment y vivre. We are here. We are in the natural world. We are in Christ. We believe we are in Christ world. Well, we are in natural world. Wir sind natürlich in der Welt, aber glauben, dass wir in der Welt von Christus sind. Wir mischen beides zusammen. On mélange les deux mondes. On est peut-être né de nouveau. On vit dans le monde naturel en croyant qu'on vit dans le monde surnaturel, dans le royaume des cieux, or que ce n'est pas le cas. We have everything to live in Christ's world. We have everything. Wir haben alles, um in der Welt von Christus zu leben. On possède tout pour pouvoir vivre dans le monde du Christ. The problem is our desire. Das Problem sind unsere Wünsche. Mais notre problème c'est nos désirs. We don't desire to seek him. We desire to seek things. Wir wünschen uns nicht ihn zu suchen, sondern wir suchen Dinge. Right? On désire pas choisir Jésus-Christ, mais on désire plutôt des choses charnelles, des choses naturelles. His kingdom is your desire to choose to seek him. That's why it says seek first the kingdom of God and his righteousness. In seinem Königreich suchen wir danach erstmal ihn zu suchen. Deswegen steht ja auch in Matthäus, dass wir erstmal das Königreich Gottes suchen und alles andere wird uns hinzugegeben. Donc dans ce royaume, on doit choisir à chercher Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans la Bible, il est écrit que si on help me. Wenn wir erst. Sorry, noch einmal. Wir sollen nicht nach den weltlichen Dingen suchen, sondern nach seinem Königreich zuerst suchen, dann wird uns alles andere hinzugegeben. On doit d'abord rechercher le royaume des cieux avant de avoir les histoires mondaines parce que c'est lui qui va nous les donner. Amen. In satanic world, you seek things. Aber in der teuflischen Welt suchst du nach Dingen, nach materiellen Sachen. Mais dans le monde diabolique, tu cherches des choses matérielles. In Christ's world, you seek Christ. Aber that's how everything works. Welt von Christus suchen wir Christus. Mais dans le monde du Christ, on cherche le Christ. You cannot seek Christ and not be there for Christ. Du kannst nicht Christus suchen und nicht für Christus da sein. Tu peux pas chercher Jésus-Christ et en même temps ne pas être là pour Jésus-Christ. We say we seek Christ, but we are not even there for him. Oft sagen wir suchen Christus, aber wir sind nicht da für Christus. Souvent on dit qu'on cherche Jésus-Christ, mais on n'est pas là pour lui. With our mouth, we say we seek him. Mit unserem Mund sagen wir, dass wir Jesus suchen. Peut-être on le dit avec notre bouche. The Bible calls money the least. Aber die Bibel nennt beispielsweise das Geld das Geringste. Mais la Bible dit que l'argent est Il call money the least, the smallest. Le plus moi. Das kleinste ist. C'est la chose la plus petite. Amen. Amen. Amen. He said, if you cannot do the least, how can you do the most? Er sagt, wenn du das Kleine nicht tun kannst, willst du das Große tun können? Mais si tu n'arrives pas à faire les petites choses, comment tu veux faire les grandes choses? If you cannot believe me, trust me with your money, how can you trust me with your life? Wenn du mir nicht glauben kannst mit deinem Geld, wie willst du mir dein Leben anvertrauen? I'm born again, I'm born again. Si tu n'arrives pas à me faire confiance avec ton argent, comment tu vas me faire confiance avec ta vie? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We just read that of Malachi. Wir haben das von Malachi gerade gelesen. On a lu Malachi là tout à l'heure. The Bible called it the old. Wie benennt das Alte? La Bible appelle ça l'ancien. Meanwhile, the new is greater than the old. Wo das Neue größer ist als das Alte. Et le nouveau est plus grand que l'ancien. If we say this is tough, it means the new is tougher. Wenn wir sagen, dass das hart ist, das heißt, das Neue ist noch schwieriger, noch härter. Et si on dit que l'ancien est plus petit, ça veut dire que l'ancien doit être forcément aussi plus facile. Donc aujourd'hui, c'est encore plus difficile. That's why it's so good to thank those that allow Jesus to live in them and live through them. Deswegen ist es so gut, den Leuten zu danken, die zulassen, dass Jesus Christus in ihnen lebt und durch sie hindurch lebt. Et c'est pour ça qu'il est très important de remercier les gens qui permettent Jésus-Christ à vivre en eux et à travers eux. Amen. Amen. Amen. You know those that are not attending the church here because of the distance. Die Menschen, die Gemeinde nicht hier besuchen können wegen der Entfernung. Ceux qui peuvent pas visiter l'église à cause de la distance. You are supposed to be blessing the house of Christ more than even those that are here. Du sollst sogar das Haus Gottes mehr segnen als die Menschen, die hier wohnen clean und die hier sind. To you. Donc, vous devez encore plus bénir la maison de Dieu comparé à ceux qui habitent ici. Ou ceux qui the children, sont they sweep here, they clean here, they do everything here. Tu vois, les enfants ici, par exemple, ils nettoient ici, ils font tout ici. Mais toi? Die Kinder hier in der Gemeinde, sie machen hier sauber, sind hier da und machen halt die ganzen Sachen, aber was ist mit dir? Praise the Lord. Halleluja. Because your money represents you everywhere. Weil dein Geld repräsentiert dich überall. Your money represents dein you Geld everywhere. Parce que ton argent te représente partout où tu peux pas être physiquement. Where you cannot get to, your money will go there. Amen. Wo du nicht da sein kannst, da geht dein Geld hin. Und ich gebe euch ein Beispiel dafür. This ministry. Je vais vous donner un exemple. The message here. Cette église, le message ici. Die Botschaft hier. We cannot go to a prison to preach to them, but the message is in YouTube. They are listening to it there. Und wir können vielleicht nicht ins Gefängnis gehen, dort zu den Leuten zu predigen. Your money is doing the job. Aber wir haben YouTube und dort können die Leute sich die Botschaft dort im Gefängnis anhören. Und es macht dort auch ihren Job, seinen Job. Und es ist auf YouTube da, weil du halt auch in die Gemeinde gegeben hast, damit die Gemeinde weitergehen kann oder damit die Gemeinde überhaupt die Ressourcen dazu hat, die Dinge, die hier passieren, ausstrahlen zu können. Par exemple, on peut pas prêcher partout, ou, par exemple en prison, mais grâce à ta bénédiction de l'église, on a les ressources maintenant pour avoir une chaîne sur YouTube par exemple, ou avoir pour pouvoir utiliser toutes les ressources qu'on a à travers l'internet pour partager le message, pour partager l'évangile. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. You know, in hospital you cannot even go there. Oder in Krankenhäuser kannst du vielleicht auch nicht gehen, aber Amen. Deine Botschaft Amen. Ist überall. Tu peux peut-être pas partir à l'hôpital, mais ton message peut toujours y accéder. Even when we print, there's a newspaper we print every month now. They are our we have it maybe very soon, but next week I go and get this month on, so that you all will be having one of it. Each of you will have it so that you see it. That we make advertisement preaching Christ to the people. It's all based on money. Und was machen wir auch monatlich, dass wir in dem lokalen Zeitungsartikel dieser Region sozusagen immer eine Zeitungsannonce machen für unsere Gemeinde. Und das machen wir auch monatlich und dafür braucht man halt auch Geld. Mm. Par exemple, maintenant grâce aussi aux ressources qu'on crée, enfin à la bénédiction qu'on a pour l'église, on a des petites annonces qui apparaissent chaque mois dans le journal ici local où on partage l'évangile et on montre aux gens où ils peuvent trouver la vérité par exemple, et ça serait pas possible si on bénit pas la l'église de Dieu. Where you cannot get to, if your money is there, you are there. Wo du nicht hingehen kannst, Amen. Du selber dorthin gehen kannst, kann dein Geld aber dorthin gehen, sozusagen. Si tu peux pas accéder à n'importe quel endroit, mais si ton argent est là, ton argent te représente là-bas. Your children are here walking, and allow Christ to walk in them, and walk through them for you. They are walking also for you. Hier und, But this ministry is not here, you will not be here. Weil wer diese Gemeinde hier, wärst du ja auch nicht hier. Donc, faut savoir que les frères et sœurs qui sont ici sur place, ils travaillent aussi pour vous. Ils gèrent votre argent pour Jésus-Christ et c'est pour ça aussi qu'ils travaillent aussi pour vous et vous représentent en même temps. The house of God should not be about, I don't eat there, I don't go there. The message is, you know, allow you know that you want the message to be preached all over the world. Just the salvation, how the Lord saved you, want others to be saved, should be the goal. Das Ziel sollte für dich sein, and dass not du about möchtest, I dass andere Leute auch diese Botschaft hören und dass diese Botschaft weitergehen kann für andere Menschen. Und dass das Motiv auch ist hinter deinem Geben und nicht, ich gebe nur so viel, wie ich auch hier gegessen habe, wie ich auch hier an Strom verschwendet habe oder benutzt habe oder wie viel ich hier an Wasser benutzt habe. Nein. Amen. Donc notre Notre désir, notre but doit être de partager l'évangile, que un maximum de personnes possibles peuvent entendre la vérité. Et c'est pour, et on bénit en fonction de ça. Donc, on ne doit pas penser que, ouais, non, comme je ne suis pas souvent là-bas, comme je ne mange pas souvent là-bas, comme je ne dors pas souvent là-bas, que je ne bénis pas la maison autant que mes frères et sœurs. Praise the Lord. Alléluia. Because here in Malachi, it says, bring the food to my house so that my house will be full. It's not about food. Amen. It's about preaching the gospel of Christ. In Malachi geht es darum, dass man dieses Brot in diese Scheunen bringen soll. Aber es geht hier nicht um Brot, es geht hier um die Botschaft, die verkündet werden soll, weiter verkündet werden soll an die Welt. Dans la Malachi, on a lu que les gens doivent ramener le pain dans. Comment ça s'appelle la Scheune? La crèche? Non, crèche, c'est Scheune. Le Speicher? Enfin, dans l'annexe là, mais ce qui est nécessaire, c'est pas qu'on ramène le pain, mais on ramène le pain spirituel, ce qui est alors la parole de Dieu, l'évangile. In 1 Kings 17, you know the story of Elijah and the widow woman. Amen. In 1. König, wo wir die Geschichte von Elijah und dem König sehen. Amen. Und der Witwe sehen. I thank God that Elijah, the widow woman did not dodge the voice of the Lord. Ich bin dankbar, dass die Witwe der Stimme von Elijah Gehör geschenkt hat und sie ihn nicht abgewendet hat. 1. Könige. Gelesen. 1. Kings 17. 1. Könige 17. 1. Könige 17. Praise the Lord. Alleluia. It's about Elijah the Tishbite. Es geht um Elia, der, Elia. Achso, das ist Peter. From verse 8, let me quickly read. Vers 8. 1. Könige 17, 8. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon. And dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. The Lord is the doer. Do you der see Herr that? Ist der Macher. Ist dein Versorger. He is your c'est provider. C'est le Dieu. That's the meaning of here. C'est Dieu qui préserve. C'est ça qu'on voit ici dans ces deux versets. He said, I command. It's not Elijah that commands the widow woman, but the Lord. Es ist nicht Elijah, der dieser Frau geboten hat, das zu tun, sondern es ist Gott, der das getan hat. C'est pas l'homme, c'est pas Elijah. Eli, c'est pas Eli qui a commandé à la femme de lui préparer la nourriture, mais c'est Dieu qui l'a fait. So if you are blessing the ministry, it's the Lord that is blessing it. Wenn du die Gemeinde segnest, are ist der Herr, it? Der sie segnet. Amen. Donc si toi tu bénis l'église, c'est le Seigneur lui-même qui bénit l'église. In verse 10, so he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little more. You see, you know, this woman, this food was the last food for this woman. Dieses Essen war die letzte Speise für diese Frau. Ce repas était le dernier repas de cette femme-là. But Elijah said, "Give me to eat." Aber Elijah gesagt, gib mir zu essen. Mais Eli a dit, donne-moi à manger. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 13, because of time, and Elijah said unto her, "Fear not. Go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me." And after make for thee and for your son. For thus said the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste. Can you see, it's the same thing as Mark 10. C'est gleich wie Markus 10. C'est la même chose qu'on a vu dans Marc 10. Praise the Lord. Hallelujah. And you know, true. You know, this woman was now having business with the Lord. Und diese Frau hat jetzt eine Beziehung mit dem Herrn, hat jetzt ein Bündnis mit dem Herrn. Et cette femme maintenant, on peut voir que cette femme maintenant avait une alliance avec, avec le Seigneur, Amen. Avec Dieu. True obeying the voice of God. Weil sie der Stimme Gottes gehorcht hat. Parce qu'elle a, elle a obéi la voix de Dieu. And when this woman's son was dead, he was sick and dead. You know, and you know, because of the business this woman was having with the Lord, this child was able to live again. Wegen dem Bündnis, was diese Frau hatte mit Gott, wurde ihr Sohn, der krank war und sogar verstorben ist, wieder geheilt. Et à travers cette alliance que la femme avait avec Dieu, son fils qui était malade et qui est mort a été ressuscité. I thank Jesus that this woman did not dodge the voice of the Lord. Ich bin dankbar, dass diese Frau der Stimme des Herrn gehorcht hat. Je remercie Dieu que cette femme a obéi à la voix de Dieu. Just like some of us we dodge today. So wie viele von uns es vielleicht tun würden heute. Peut-être que l'un ou l'autre de nous aujourd'hui ne l'aurait pas fait ou ne fait pas aujourd'hui. Imagine if this woman dodged that voice. Stell dir vor, diese Frau hätte die Stimme verweigert. That was the last food for her and the son. Das war das letzte Essen für ihren Sohn und sich selbst. What did it? Amen. Imagine si cette femme maintenant aurait pas obéi à la voix de Dieu. They were able to live all through. Aber sie waren danach in der Lage, weiterzuleben. Amen. Mais grâce à cette obéissance, because ils ont pu continuer à vivre. Weil sie der Stimme des Herrn gehorcht haben. Parce qu'ils ont obéi à la voix de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. It was more about this woman than about Elijah. Es ging mehr um diese Frau. I don't know if you know that. Il s'agissait plus de la femme plutôt qu'Élie. It was more about this woman than Elijah. Es ging mehr um diese Frau als um Elia. Il s'agissait plus de la femme et pas d'Élie. Amen. Amen. You know, the Elijah telling her, give me. It's as if it's more of Elijah than this woman. Actually, it's more of this woman than Elijah. Gib mir diese letzte Speise. Da hätte man denken können, es geht hier in dieser Situation nur um Elia. Aber es ging nicht um ihn, es ging um diese Frau, dass sie halt auf ewig nicht mehr dürsten muss, auf ewig nicht mehr hungern muss. Quand on voit que Élie dit à la femme de lui donner son dernier repas, on peut croire que dans l'histoire, il s'agit plus de Élie et pas de la femme, mais or qu'il s'agissait plutôt du salut de la femme. Just like the Lord told me that it is more about you than the ministry. Genau wie der Herr mir gesagt hat, es geht mehr um euch als um die Gemeinde. Tout comme le Seigneur m'a dit qu'il s'agit plus de vous not about the ministry, it's about et pas de l'Église. Maybe we close il s'agit with, pas de l'Église et pas de toi. Philippiens 4. Philippe 4. Praise the Lord. Alléluia. Amen. It is more of you than the ministry. Es geht um dich als um die Gemeinde. Amen. Amen. Philippiens 4. Praise the Lord. Alléluia. Philippiens 4. We read from verse 10 to 19. Philippiens 4 de 10 à 19. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But I rejoice in the Lord greatly. Paul is the one writing. Paul is the one here. Speaking from prison. C'est Paul qui parle ici. Il parle à partir de la prison. He is more free than those that are outside. Est frei als die Leute, die drin sind. Mais il était plus libre que les gens qui étaient à l'extérieur de la prison. Jenny, can you help us to read verse 10? No, Jennifer, Jenny. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Susie, verse 11. Nicht wegen des Mangels sage ich, dass ich habe nämlich gelernt, in der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Barbara, 12, please. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. It is not about the ministry, please. Amen. That's what Paul is saying here. It's not about here. Es geht noch weiter. Amen. Amen. Toby, can you help us to read verse 13? Vers 13. Gut. Kurz vorgespielt. Thank you. Amen. He said, but I rejoice in the Lord greatly, that now at the last, your care of me have flourished again. Are you getting something here? They were looking for him to bless his ministry. Sie wollten seine Gemeinde segnen. Ils voulaient bénir son église. You know, if we even receive your money here, you should be grateful. Wenn wir dein Geld überhaupt annehmen, solltest du dankbar sein dafür. Si on accepte ton argent ici, tu dois remercier. Amen. Schon Geld abgewiesen, weil ich gesehen habe, dass das nicht von Christus ist. J'ai souvent refusé de l'argent parce que j'ai vu que ça venait pas du Christ. My prayer is, Father, any money that is not coming from you, I reject it. Mein Gebet ist, dass jedes Geld, was nicht von dir kommt, Jesus, verweigere. I reject it, no matter how big it is. I prefer Lazarus than the rich man. Mir ist Lazarus lieber als der Reiche. Je préfère Lazare à l'homme riche. Donc souvent, je prie souvent à Dieu que chaque argent qui vient, que cet argent vienne de toi. Et si cet argent ne vient pas de toi, je le rejette. It's not about having things, it's how you get the things. Es geht nicht darum, Sachen it's zu haben. It's more important than wie you have. Wie hast du die Sachen bekommen? Il s'agit pas d'avoir les choses, mais comment tu as obtenu ces choses. Christ wants it for you. Are you getting it? It's not about money. Il s'agit pas de l'argent. It's more than that. Will Christus das für dich? Est-ce que Dieu veut vraiment que tu aies cet argent? C'est pas, do you choose Jesus? You. Es geht darum, are you choosing entscheidest Jesus? Du dich selbst für Jesus? Il s'agit que, est-ce que toi vraiment tu choisis Jésus-Christ? He's looking for who to live in and live through. Denn sucht nach jemandem, durch den arbeiten kann. Amen. Parce que Jésus-Christ cherche une personne à travers qui il peut vivre et à qui. He's looking for a vessel that will that twist from it to him. Peut vivre. Sucht nach einem Gefäß, das für ihn da sein wird, durch das arbeiten kann. Ich cherche des personnes qui se soumettent à lui. You know, it's not be radical. You are radical in everything, but you are not radical in your giving. And that's not radical. Diese Radikalität bezieht sich auf alles, jeden Bereich, nicht nur. You value blessing the house of God more than mother paying your house rent. Und du. That's hard to be radical. Du schätzt sozusagen das Geben der Gemeinde ist wichtiger als seine Miete zu bezahlen oder andere Sachen zu bezahlen. Il s'agit d'être radical et violent en Jésus-Christ. On doit même valoriser plus notre bénédiction de l'assemblée comparée à payer notre loyer. Praise the Lord. Hallelujah. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me have flourished again. We are also careful, but you lack opportunity. Not that I speak in respect of want. Praise the Lord. Hallelujah. For I have learned in whatsoever state I am, their way to be content. I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Amen. Amen. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen. Verse 14. Notwithstanding, you have done well that you did communicate with my affliction. Verse 15. Now you Philippians. These Philippians, they were special people. Die Philipper waren besondere Leute. They were so special. Die waren sehr besonders. Les Philippiens étaient un peuple particulier. Amen. Amen. Now you Philippians. Know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you alone. Some of you are like that today. Und einige von uns sind there are some that are not there for the ministry. Es gibt einige, sind einfach da für die Gemeinde. Amen. Amen. Certains d'entre vous sont comme ça aujourd'hui. Il y en a ceux qui sont là pour l'assemblée. It marvel me when I see what you give to the ministry. Und das just verblüfft mich, wenn ich sehe, was ihr für die Gemeinde gibt. Your children, how they can believe wie seine Kinder ihm glauben. It. It's about you. Weil es ihn nicht because I know some of you how much you will receive. Ça m'étonne de temps en temps quand je vois quel montant vous donnez dans quel montant vous donnez pour dans l'assemblée. Parce que Je sais que certains d'entre vous, quel montant ils gagnent, par exemple. He said no church ever communicated with him concerning giving and receiving. Very sad. Keine Gemeinde. Very, very sad. Hat ihn Paul have to gegeben. Be working. Und musste deswegen musste sogar arbeiten, damit über die Runden kommt. Paul a dû même travailler parce qu'aucune autre église n'est entrée avec lui en échange réciproque, ou bien matériel et spirituel. Ich würde sogar gerne geben. Ich würde sogar gerne arbeiten. But my the problem is not my problem. The problem is the message mostly come at night. If I wake up in the morning, how will I go to work? Meine Botschaften. I don't know how to fix it. The Lord, maybe He just want me to stay at home. Alléluia. Moi aussi j'aimerais bien travailler, mais la plupart du temps les messages que je reçois pour vous, je les reçois la nuit. Et ça serait difficile pour moi de se lever le matin. Je demande à Dieu comment le faire, mais j'ai l'impression qu'il veut que je reste à la maison. Praise the Lord. Alléluia. Right from when I came to Deutschland, I love walking. Und seitdem ich in Deutschland bin, ich habe arbeiten. Et puis depuis que je suis arrivé ici en Allemagne, enfin, j'ai toujours été une personne qui aimait travailler. Ich muss das lernen. Mais j'ai dû apprendre à rester à la maison. If not, und durch Christus kann ich fight everybody if I'm staying at home. Weil wenn ich zu Hause bin, bin ich so gereizt und kann auf jeden sozusagen drauf springen. Because I see time as money. Weil für mich Zeit dann Geld ist. C'est grâce à Dieu que je suis capable maintenant de rester à la maison, parce que sinon rester à la maison me rendait agressive et j'aurais pu commencer à me disputer avec chaque personne à la maison. Mais grâce à Dieu et parce que je me suis soumis à lui, je suis capable de faire son travail sous ses conditions à lui. That he keep on, he started cleaning me, that he now helped me to see time as Christ and no longer as money. Er hat angefangen mir zu helfen, dass ich Christus als meine Zeit sehe und nicht mehr das Geld. J'avais des difficultés à le faire parce que pour moi le temps était l'argent, mais grâce à lui je suis capable maintenant de voir le temps. Jésus-Christ en le temps et plus l'argent. He said, for even in Thessalonica, you said once and again unto my necessity, not because I desire a gift. Praise the Lord. Alleluia. But I desire fruit that may abound to your account. Can you see? He said it's not because of the ministry. Es geht because um die Gemeinde, of you. I don't know if everybody. Il ne s'agit pas de l'assemblée, 17. Mais il s'agit de toi. Look at verse 17. Lisons tous. Show me everybody. Everybody, read it, please. Ah, okay. One, two, go. Ce n'est pas que je tiens à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est que le nombre de fruits soit porté à votre actif. Philippiens 4, 17. Philippiens 4, 17, haben wir gelesen. Amen. Just like, you know, the widow woman and Elijah. Genauso wie die Witwe. It is more of the widow woman than Elijah. Elijah. Es ging hier mehr um die Witwe als um Elijah. Il s'agissait plus de la veuve que de Élie. Et tout comme ici, il s'agit plus de nous et pas de l'assemblée. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Then in verse 18 and 19. 18 and 19. He said, but I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a smell, of a sweet smell. If your money stinks, I will not take it. Wenn dein Geld stinkt, dann will ich es nehmen. Si ton argent pue, je vais pas l'accepter, je vais pas le prendre. He's talking about money. He says something is sent in here. There's odor. Hier gibt's einen Geruch, ein Duft. Là, il dit qu'il y a une odeur. Amen. It's not our money that we even receive here. Nicht jedes Geld nehmen. Amen. On n'accepte pas tout argent qui vient ici. An odor of smell, of sweet smell, a sacrifice acceptable and well pleasing to God. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Praise the Lord. Alleluia. Say prayer and pray for those that das are already for the ministry. Bete für die Leute, die Amen. Die Amen. C'est la même chose que je prie pour les gens qui viennent ici dans notre église. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Again, I'm not here to praise the flesh. Ich bin nicht hier, das Fleisch zu bleiben. Amen. Encore une fois, je ne suis pas ici pour glorifier la chair, aber den Geist. Mais plutôt l'esprit. Amen. Amen. And this prayer is also for Felix and for Susie, for all of you that are there for the ministry. Ist für Felix und für Susie und für alle anderen, die in dieser Gemeinde da sind. Et cette verset ici, cette verset 19 est pour Félix et Suzanne, mais pour tout le monde ici qui est là pour sorry, c'est ça, pardon. Et qui est là pour l'église. Amen. Amen. If it is all about money, my message will be different. You know that. Religious message. It will be different. Et my message drives away people. Meine Botschaft, sie verschreckt Menschen. Et si, and I don't care. S'il s'agissait de l'argent, mon message serait un autre. Mais le message que je prêche ici, il repousse même d'autres personnes. Mais ça m'est égal. Donc, Meine Botschaft verscheucht Menschen, aber es ist mir egal. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You should be grateful if this ministry accepts your money. Du sollst dankbar sein, dass diese Gemeinde dein Geld annimmt. Just like if Paul receives somebody's money, that person should be grateful. Genauso wie wenn Paulus das Geld von Leuten angenommen hat, waren sie auch dankbar. Tu peux être heureux si cette église accepte ton argent. Praise the Lord. Alléluia. Verset 18. Reconnaissant. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Your blessing the house of Christ is about three things. Gottes Haus zu segnen ist. About you. Da geht es um drei Dinge, um dich. About Christ. Um Christus. And about Satan. Und den Teufel. Ta bénédiction pour dans ta bénédiction pour l'église de Dieu, il s'agit de trois choses. Toi, Jésus-Christ et Satan. Just like praising Christ affects you and affects Satan. Genau das gleiche geht auch für Jesus Christus loben. Da geht es auch um, was dieses Loben mit dem Teufel, mit dir und mit Jesus macht. Tout comme glorifier Dieu, tout comme quand tu glorifies Dieu, il s'agit de trois choses: toi, Satan et Dieu. Amen. The blessing in the ministry is about you, Christ, and Satan. Gottes Haus zu segnen hat einen Effekt auf Jesus, auf dich und auf den Teufel. Et bénir l'assemblée de Dieu a un effet sur toi, sur Dieu et sur Satan. So also praising the Lord affects God. Den Herrn zu preisen. Remember Paul and Silas when they were praising him. They started dancing. There was tout comme glorifier Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. And it is about you. Es geht um dich. Amen. Amen. And it is about Satan. When is he will know aber that? Auch um den Teufel. Amen. Amen. Satan is confused once we are praising the Lord. Denn der Teufel ist verwirrt, wenn wir den Herrn preisen. Is there anything happening that I don't know about? Ich verstehe nicht, was los ist. Amen. Amen. Why is she rejoicing? Because somebody never rejoices except things are wonderful. Weshalb freut sich diese Person? It confuses Satan. Er versteht es nicht, weil er immer nur denkt, dass Leute you, you know, sich um das Fleisch freuen. On doit toujours se réjouir en Dieu, parce que ça déstabilise, ça confuse le diable. Il va avoir des problèmes à comprendre comment quelqu'un qui est confronté à certaines circonstances peut toujours se réjouir. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. I hope you understand the message. Amen. Amen. So please, if there is any question, ask.